il m'a invité chez lui. C'était un petit apéro. Il vivait dans un cagibi avec Lita et Micron. Il m'a payé un coup au bar. Parce que oui, on est sortis. J'ai découvert la ville le soir. J'ai un peu craqué ici. Oh oh oh, les jolies filles du bus, chaudes comme le moteur. Oh oh oh, écoute Superbus, et me brise le cœur. Là, moi, je n'ai pas le truc pour écrire un deuxième couplet. Je ne suis pas comme Lucky Luke. Il me faudrait plusieurs journées après avoir bu de la bière. Je m'en irai chanter ce soir. Certainement plus riche qu'hier. Et dans le cœur, beaucoup d'espoir. Oh oh oh, les jolies filles du bus, chaudes comme le moteur. Oh oh oh, écoute Superbus, et me brise le cœur. Clem et Tony sur un bateau, et moi qui n'ai pas de shampoing, et personne pour me dire allô. Et voilà que je me sens bien. Comme je les aime, ils sont l'espoir et la vie qui me tend la main. Quelquefois j'ai vu du noir. Je les aime, ils me rendent bien. Oh oh oh, écoute Superbus, et me brise le cœur. Butterfly, butterfly, butterfly, oh butterfly, oh butterfly, oh butterfly, butterfly, oh butterfly. Butterfly, oh butterfly, butterfly, oh butterfly.